I'm reading from Isaiah 40. Je lis d'Ésaïe 40. Verses 1 to verse 5. Les versets 1 au verset 5. Comfort, comfort my people. Consolez, consolez mon peuple. Says your God. Dit votre Dieu. Speak tenderly to Jerusalem. Parle tendrement au cœur de Jérusalem. And proclaim to her. Et criez-lui. That her hard service has been completed. Que sa servitude est finie. That her sin has been paid for. Que son iniquité est expiée. And she has received from the Lord's hand. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Double for all her sin. Au double pour tous ses péchés. A voice of one calling in the desert. Une voix crie dans le désert. Prepare the way for the Lord. Préparez le chemin du Seigneur. Make straight in the wilderness the highway for our God. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Every valley shall be raised up. Que toute vallée soit exaucée. Every mountain and hill made low. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. The rough ground shall become level. Que les coteaux se changent en plaine. And the rugged places a plain. Et les défilés étroits en vallon. And the glory of the Lord will be revealed. Et la gloire de l'Éternel sera révélée. And all mankind together. Et toute montagne ensemble. Will see it, for the mouth of the Lord has spoken. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. What the Lord is saying to the church right now. Ce que le Seigneur dit à l'Église juste maintenant. What he is saying to the nations. Ce qu'il dit aux nations. At this hour. En cette heure, these are the days, ce sont les jours when the Lord is asking, où le Seigneur demande that the church of Christ, que l'Église de Christ go back, revienne to preaching the blood, à prêcher le sang and the cross, et la croix in Exodus 12, en Exode 12 when the Israelites, quand les Israélites were preparing for the Lord's visitation, se préparaient pour la visitation suivante for the coming of the Lord, pour la venue du Seigneur to deliver them, pour les délivrer from slavery, de l'esclavage at the midnight hour, à l'heure de minuit. Il dit that they should prepare, qu'ils doivent se préparer for that midnight hour, pour cette heure de minuit. And how were they to prepare? Et où étaient-ils pour se préparer? They were told to prepare. On leur a dit de se préparer. By getting the blood of the lamb. En prenant le sang de l'agneau. The blood of the lamb without defect. Le sang de l'agneau sans défaut. And sacrifice and get the blood. Et on sacrifiait et prit le sang. And sprinkle on the doorpost. Et l'asperger sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Listen. Écoutez. He said, when he comes, il l'a dit, quand il vient, and he sees the blood, et il voit le sang, he will deliver them, pour les délivrer, precious people, précieux peuple, I want to bring it another notch. Je vais vous amener à un autre niveau. One of the visions the Lord gave me, une des visions que le Seigneur m'a données, and in that vision, et dans cette vision, he lifted me up above the earth. Il m'a élevé au-dessus de la terre. And I looked at the earth. Et j'ai regardé la terre. But when I looked at the earth, et quand j'ai regardé la terre, in that vision, dans cette vision, I saw as if an earthquake had hit the earth. J'ai vu ce que j'ai pensé un tremblement de terre sur la terre. But when I looked carefully, mais quand j'ai regardé attentivement, that shaking of the ground, cette terre qui bougeait, the dust and the rocks that were jumping off the surface, les rochers et la poussière qui se mouvaient, qui bougeaient, that was not an earthquake. Ça n'était pas un tremblement de terre. Because I saw people, parce que j'ai vu des gens, in their glorious bodies, dans leur corps glorieux, coming from the ground, venir du sol, but when I looked from where the Lord had lifted me, mais quand j'ai regardé de là où le Seigneur m'avait élevé, The dust and the glory had mixed a little bit. La poussière et la gloire étaient un peu mélangées. But the more they were pulled up, mais plus ils étaient en train d'être attirés, the more they went in the pure glory of God. Le plus ils allaient dans la pure gloire de Dieu. I want to share from there. Let me stop the vision from there. J'aimerais arrêter de là. Laissez-moi arrêter la vision de là. What is the message? Quel est le message? Inside this vision, à l'intérieur de cette vision, when the dead rapture, quand les morts étaient enlevés, came from their graves, qui venaient de leur tombe, and went right into the kingdom, et allaient droit au royaume, inside there is the message. À l'intérieur de ceci est le message. Listen very carefully. Écoutez attentivement. Every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle, you must find it in the Bible. Vous devez le trouver dans la Bible. In fact, if you don't find it in the Bible, en fait, si vous ne le trouvez pas dans la Bible, then the Lord, he has not spoken. Alors le Seigneur n'a pas parlé. The Bible is the yardstick. La Bible est le critère. The basic benchmark. La marque de base. That you may use to measure. Que vous devez utiliser pour mesurer. When God has spoken, quand Dieu a parlé, and therein is the message. Et là-dedans est le message. So in the book of Daniel, alors, le livre de Daniel, chapter 12, chapitre 12, I found out, j'ai trouvé that this same vision the Lord was giving me, la même vision que le Seigneur m'a montrée. He had given Daniel the prophet. Il l'a donné à Daniel, le prophète. And Daniel described it in Daniel 12. Et Daniel le décrit dans Daniel 12. And Daniel, when he saw this vision, et Daniel, quand il a vu cette vision, look at what Daniel saw. Regardez ce que Daniel a vu. Daniel saw, Daniel a vu, those who had died, ceux qui étaient morts, the Christians that had died, les chrétiens qui sont morts. Remember, Daniel is an end-time prophet. Souvenez-vous, Daniel est un prophète de la fin des temps. Daniel saw what we have today then. Daniel a vu ce que nous avons maintenant aujourd'hui. But when Daniel saw this vision, que lorsque Daniel a vu cette vision, he saw a resurrection. Il a vu une résurrection. Of people in their glorious bodies. De gens dans leur corps glorieux. He saw two groups. Il a vu deux groupes. The first group, le premier groupe, Daniel saw those who were resurrected. Daniel a vu ceux qui étaient ressuscités. And they entered the kingdom of God. Et qui entraient dans le royaume de Dieu. But he saw those who were resurrected also. Mais il a vu aussi ceux qui étaient ressuscités. But they went to hell. Mais ils allaient en enfer. Daniel, he saw two groups resurrected. Il a vu deux groupes ressuscités. Those who were resurrected for rapture, for kingdom of God. Ceux qui ont été ressuscités pour l'enlèvement, pour le royaume de Dieu. And those resurrected for judgment. Et ceux qui étaient ressuscités pour le jugement. To be judged. They were resurrected to be judged. Qui ont été ressuscités pour être jugés. Now, maintenant, among those, parmi ceux-là, who were resurrected for the kingdom of God, qui ont été ressuscités pour le royaume de Dieu, Daniel saw two subgroups. Daniel a vu deux sous-groupes. That's why Daniel says, c'est pourquoi Daniel dit, Daniel chapter 12, Daniel chapitre 12, from verse 2 he says, du verset 2 il dit, multitude who sleep in the dust of the earth, la multitude qui dort dans la poussière de la terre, they will awake. Ils se réveilleront. Some to everlasting life. Les uns pour la vie éternelle. Some to eternal condemnation. No. Et les autres pour la condamnation éternelle. But when he moves to verse 3, mais quand il se déplace au verset 3, he says, il dit, those who are wise, ceux qui auront été intelligents, he says, il dit, they will shine like the brightness of the heaven, brilleront comme la splendeur du ciel. And those who lead many into righteousness, et ceux qui auront conduit beaucoup à la justice, those who lead many into righteousness, ceux qui auront conduit beaucoup à la justice, they will shine, ils brilleront, even brighter than the heavens, même plus brillants que les cieux, they will shine like the stars, ils vont briller comme les étoiles. One group resurrects for judgment. Un groupe ressuscite pour le jugement. Another group resurrects for the kingdom. Un autre groupe ressuscite pour le royaume. Among those resurrected for the kingdom. Parmi ces ressuscités pour le royaume. One subgroup. Un sous-groupe. They are shining like heaven. Brille comme les cieux. Another group. Un autre groupe. Like the stars in heaven. Comme les étoiles dans les cieux. Precious people. Précieux peuple. Let me give you this. Laissez-moi vous donner ceci. The message the Lord is resonating. Le message que le Seigneur fait résonner is this. Est ceci. That when the day of rapture comes. Que lorsque le jour de l'enlèvement vient. When the day comes, when the Lord will come for the church. Quand le jour vient, quand le Seigneur viendra pour l'église. Those who are wise. Ceux qui sont sages. They will enter the kingdom of God. Entreront dans le royaume de Dieu. But listen to this. Mais écoutez ceci. In other words, dans d'autres mots. What is wisdom? Quelle est la sagesse? Why am I here? Pourquoi est-ce que je suis ici? I'm here to tell you. Je suis ici pour vous dire. These are now the days. Que maintenant le jour est là. When the Lord has sent me to call on you people. Le Seigneur m'a envoyé pour vous appeler peuple. To go back to the wisdom of God. À retourner à la sagesse de Dieu. But if you read Job chapter 28. Mais si vous lisez Job chapitre 28. Verse 28. Le verset 28. He says. Il dit. Behold the fear of the Lord. Voici la crainte du Seigneur. That is wisdom. C'est ça la sagesse. Time is over. Le temps est passé. And you must now return to the fear of the Lord. Et nous devons maintenant retourner à la crainte du Seigneur. But why would a living God? Mais pourquoi est-ce que un Dieu vivant sent me to God-loving people, including pastors, bishops? M'a envoyé aux gens qui aiment Dieu, incluant les pasteurs, les bishops and members of church. Et les membres de l'église. Why would God send me to tell them, hey, go back to fear of the Lord? Pourquoi est-ce que Dieu voudrait m'envoyer pour leur dire, oh, retournez à la crainte du Seigneur? And they're Christian, most of them. Et ils sont chrétiens, la plupart d'entre eux. That means, ça signifie, the Lord is saying, le Seigneur dit, I have been watching. J'ai regardé. But I've not seen you walk in the fear of the Lord. Mais je ne vous ai pas vu marcher dans la crainte du Seigneur. When you walk in the fear of the Lord. Quand vous marchez dans la crainte du Seigneur. Sexual immorality. L'immoralité sexuelle. It becomes something of the past. Devient quelque chose du passé. The falsehood you see in the church. La fausseté, vous voyez, dans l'église. Where people are coming and preaching anything. Où les gens viennent et prêchent n'importe quoi. They say, sow a seed. Ils disent, semez une graine. And be healed. Et soyez guéris. And yet those are fake. Et ceci est faux. There is no healing there. Il n'y a pas de guérison ici. The healing of the Lord, they are free. Les guérisons du Seigneur sont gratuites. So that's why the Lord is saying, c'est pourquoi le Seigneur dit, I've watched you over the years. Je vous ai regardé pendant toutes ces années. I've seen that you've fallen short of the wisdom of God. J'ai vu que vous n'êtes pas au niveau de la sagesse de Dieu. And he said, et il a dit, the fear of the Lord, la crainte du Seigneur, that is wisdom. C'est ça la sagesse. In other words, let us return to the fear of the Lord. En d'autres mots, retournons à la crainte du Seigneur. I said, j'ai dit, if you are in the fear of the Lord, si vous êtes dans la crainte du Seigneur, immorality is something of the past. L'immoralité est quelque chose du passé. The love of money beyond Christ. L'amour de l'argent plus que Christ becomes something of the past. Devient quelque chose du passé. The false prophets. Les faux prophètes. Something of the past. C'est quelque chose du passé. Witchcraft. La sorcellerie. Dissension. La dissension. Debauchery. La débauche. Precious people. Précieux peuple. Those who are wise. Ceux qui sont sages. They enter. Ils entrent. That means, ça signifie, those who will walk in the fear of the Lord. Ceux qui marcheront dans la crainte du Seigneur. They will not say, ils ne diront pas, oh, I don't want to go into immorality. Oh, je ne désire pas aller avec de l'immoralité. Because I fear HIV/AIDS. Parce que je crains le sida. They will not say that. Ils ne diront pas cela. They will say, ils diront, I don't want to go into immorality. Je ne désire pas aller dans l'immoralité. Because I fear the Lord. Parce que je crains le Seigneur. Alléluia. Alléluia. I don't want to lie. Je ne désire pas mentir. Because I fear the Lord. Parce que je crains le Seigneur. When you live in the fear of the Lord, alors quand vous vivez dans la crainte du Seigneur, you have an eternal treasure. Vous avez un trésor éternel. You have the kingdom of God in your hand. Vous avez le royaume de Dieu dans vos mains. After 999 trillion years are over. Quand 900 000 et 900 trillions d'années sont passées, in heaven, dans les cieux, eternity has not yet begun. L'éternité n'a pas encore commencé. So why waste the 70, 80 years here? Pourquoi gaspiller 78 années ici-bas, instead of preparing for everlasting eternity? Au lieu de se préparer pour l'éternité. Number two. Numéro 2. Inside that message. À l'intérieur de ce message. That vision of the Lord. Cette vision du Seigneur. You saw that one group were wise like the heavens. Vous avez vu que un groupe était sage comme la splendeur des cieux. Another group led people to righteousness. Un autre groupe conduit des gens à la justice. Which means, ce qui signifie, after attaining wisdom of God, après avoir atteint la sagesse de Dieu, they went to the next level. À un autre niveau. They evangelize the Holy Jesus. Ils prêchent l'évangile du Saint Jésus. They led people into righteousness. Ils conduisent des gens à la justice. Into holiness. À la sainteté. They went to the streets and the byways. Ils vont dans les rues et dans les bas quartiers. And they led people to the Lord. Et ils conduisent des gens au Seigneur. And also righteousness. Et aussi à la justice. But listen to this. Mais écoutez ceci. How do you lead people into righteousness? Comment est-ce que vous conduisez des gens à la justice? The Lord says, le Seigneur dit, we were created for his pleasure. Nous avons été créés pour son plaisir. And look at this now. Et regardez à ceci maintenant. Our lives, nos vies. When we live, quand nous vivons as Christians, en tant que chrétiens, the lifestyle, le style de vie of a Christian, des chrétiens is meant to be like this. Est supposé être comme ceci. But when you walk as a Christian, que lorsque vous marchez en tant que chrétien, in your life, dans votre vie, you are evangelizing. Vous évangélisez. They look at your life. Ils regardent vos vies. And they see Christ. Et ils voient Christ. They look at your life. Ils regardent à vos vies. And they see his holiness. Et ils voient sa sainteté. They look at your life. Ils regardent à vos vies. They see righteousness. Et ils voient la justice. They look at your life. Ils regardent à vos vies. They see the ambassador of Christ. Et ils voient des ambassadeurs de Christ. In that way, dans ce chemin, they will say, ils diront, I want this man's type of salvation. Je veux le type de salut de cet homme. This man, the way he's living is salvation. Cet homme, la manière dont il vit, c'est le salut. I want that type. Je désire ce type. Because, parce que when people go drinking, quand les gens vont boire, he stays at home reading the Bible. Il reste à la maison à lire la Bible. When people go doing other things, quand les gens vont faire d'autres choses, you find him serving in the church. Vous le trouvez en train de servir à l'église. When accountants play around with figures, quand des comptables jouent avec les chiffres, to balance the books, pour mettre les livres en équilibre, you find him straight. Vous le trouvez droit. So eventually, finalement, people will see that this man, les gens vont voir que cet homme, his track record, est performant, speaks for him, parle pour lui, untainted, qu'on ne peut pas corrompre. That man, cet homme, when he says, quand il dit, come to my Jesus, viens à mon Jésus, you will not suffer immorality again. Tu ne souffriras plus l'immoralité. You can believe him. Vous pouvez le croire. Because you see it in him. Parce que vous le voyez en lui. But how can we preach it to them? Comment est-ce que vous pouvez leur prêcher cela? When we ourselves are not yet delivered from it. Quand vous-même, vous n'êtes pas délivré de cela. The Bible in the book of Hebrews. La Bible dans l'Épître aux Hébreux. Chapter 6, verses 46. Le chapitre 6, les versets 4 à 6. The Lord comes out very clearly on the abuse of the grace. Le Seigneur se montre très clair à propos de l'abus de la grâce. And he says we cannot abuse the grace anymore. Et il dit, on ne peut pas abuser de la grâce encore. But if we have received the knowledge of the truth, si nous avons reçu la connaissance de la vérité, salvation, le salut, and then we turn our backs on it, et ensuite nous tournons le dos à cela, and we deliberately, et nous délibérément go back to sin, retournons au péché, he says, il dit, then there is no more sacrifice available. Et alors, il n'y a plus de sacrifice disponible. Jesus died once. Jésus est mort une fois. At Calvary. Au calvaire. He will not go back there. Il ne veut pas y retourner. So we rather be delivered. Alors, on a avantage à être délivré from this salvation. Par ce salut. There will not be another. Il n'y en aura pas un autre. This is the ultimate salvation. C'est le salut ultime. Precious people, behold, the hour has come. Précieux peuple, voici l'heure est venue for us to go back to the fear of the Lord. Pour nous de retourner à la crainte du Seigneur. If all people, si lorsque tous les gens walk in the fear of the Lord, marcheraient dans la crainte du Seigneur, what a beautiful nation, quelle belle nation. A robber will say, I cannot rob because I fear the Lord. Un voleur dirait, oh, je ne peux pas dérober à cause que je crains le Seigneur. A murderer will say, I will not kill because I fear my Lord. Un meurtrier dirait, oh, je ne peux pas tuer parce que je crains mon Seigneur. And the Lord is asking a question to the church. Et le Seigneur demande une question à l'église. He is asking her, il lui demande that ever since you received Christ, que tu as reçu Christ, have you really walked in the fear of the Lord? Est-ce que tu as réellement marché dans la crainte du Seigneur? Number two. Le numéro 2. Ever since you received Christ, depuis que tu as reçu Christ, have you really led people into the righteousness of the Lord? Est-ce que tu as vraiment guidé des gens dans la justice du Seigneur? And that's why I am saying today, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, I have seen, j'ai vu, the Lord has shown me, le Seigneur m'a montré, the coming of the Messiah, la venue du Messie. But the church, the Messiah will take, mais l'église que le Messie va prendre, the news is this, la nouvelle est ceci, the church he will take, l'église qu'il va prendre, must be a holy church, doit être une église sainte, a mature bride, une épouse mature. We are the bride of Christ, nous sommes l'épouse de Christ, the spiritual bride, l'épouse spirituelle. But look at this, mais regardez à ceci, mature bride, une épouse mature. Now listen to this. Alors, écoutez ceci. You have a situation here. Vous avez une situation ici. And somebody becomes born again. Et quand quelqu'un naît de nouveau, as a Christian, en tant que chrétien, like it is in the physical realm, comme ça l'est dans le domaine physique, when the pediatrician, quand le pédiatre, il dit, oh, now the baby needs some milk. Dit, ben maintenant, le bébé a besoin de lait. Sometime later, you take the baby to him again. Quelquefois plus tard, vous lui amenez de nouveau le bébé to the pediatrician, au pédiatre. And he says, now you need to bring the baby to Cerelac. Et maintenant, il dit, vous donnez du Cerelac au bébé. And they are checking the weight of the baby. Weight. Et ils prennent le poids du bébé, le poids. They are telling you that the baby is growing. Ils vous disent que le bébé grandit. When the baby is not growing, quand le bébé ne croît pas, they tell you change the diet. What are you feeding this baby on? Ils vous disent de changer la diète. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger à ce bébé? And they move on until they say some light bananas. Et ils disent, oh ben, on donne de petites bananes, mashed potatoes, des pommes de terre au lait, minced meat, de la viande hachée, bean soup, de la soupe aux haricots. They do that. Ils font cela. That is in the physical realm. Ça, c'est dans le domaine physique. And they are checking. Et ils regardent. They are checking the barometer of growth. Ils regardent le baromètre de la croissance. And they are checking weight. Et ils prennent le poids. How about in the spiritual realm? Qu'en est-il dans le domaine spirituel? When you are born again. Quand vous êtes né de nouveau. So it is in the spiritual realm. De même en est-il dans le domaine spirituel. You need to go on a prescription diet. Vous avez besoin de suivre un régime. And the prescriber. Et celui qui prescrit says, dit if you want to grow up, si vous voulez grandir as a Christian, en tant que chrétien, this is the diet. Voilà le régime. Holiness. La sainteté. Holiness. La sainteté. The more you feed on it. Plus vous vous nourrissez de cela, the more your Christian body weight increases. Plus le poids de votre corps chrétien va croître. The more your spiritual life grows. Plus votre vie spirituelle croît. Because when you say it, parce que quand il dit that he is coming for only a mature bride. Quand qu'il va venir seulement pour une épouse mature, he did not mean a physical maturity. Il ne pense pas à une maturité physique. He meant a spiritual maturity. Il pense à une maturité spirituelle. He meant spiritual maturity. Il pense une maturité spirituelle. So let us start feeding on the spiritual diet of God. Alors commençons à nous nourrir d'un régime spirituel de Dieu. And that diet, et ce régime that the shepherds que les bergers should be giving the sheep, devraient donner aux brebis, feeding the sheep, nourrissant les brebis, is the diet of the word. C'est le régime de la parole. Which word? De quelle parole? The uncompromised word. La parole sans compromis. Uncompromised. La parole qui n'est pas compromise. If immorality is sin, si l'immoralité est du péché, say immorality is sin. Dites que l'immoralité est du péché. If lying is a sin, tell them lying is sin. Si le mensonge est un péché, dites-leur, le mensonge est un péché. In that way, de cette manière, they feed on heavenly bread. Ils sont nourris d'un pain céleste. Mature bread. D'un pain mature. The bread that has not compromised. Le pain qui n'est pas compromis. The bread that is from the throne. Le pain qui vient du trône. But today, the church. Mais aujourd'hui, l'Église has somehow been compromised. Quelque part, c'est compromise. They take the cerelac. Ils prennent du cerelac. They add with some powdered milk. Ils ajoutent du lait en poudre. They add things to just make up the volume. Ils ajoutent des choses juste pour augmenter le volume. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, if it is cerelac, let it be cerelac. Alors si c'est du cerelac, il faut que ce soit du cerelac. If it is ugali, let it be ugali. Si c'est de la nourriture pour adultes, que ce soit de la nourriture pour adultes. And this time, en ce temps, the Lord is saying, le Seigneur va dire that the only food, que la seule nourriture, bread, le pain, that you can feed the church on, avec laquelle vous pouvez nourrir l'Église, is holiness. C'est la sainteté. Because parce que the Bible says, la Bible dit in Hebrews 12, dans Hébreux 12 verse 14, le verset 14, that make every effort to live in peace with all men. Faites tous vos efforts pour vivre en paix avec tous les hommes, and to be holy, et être saint. And he says, et il dit, for without holiness, car sans la sainteté, nobody, personne, can see the Lord, ne peut voir le Seigneur. Nobody, personne, will see the Lord, ne verra le Seigneur. He says, without holiness, il dit, sans la sainteté, nobody, personne, will see the Lord, ne verra le Seigneur.